Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Souvent, on rêve d'une vie meilleure, mais au quotidien, on suit le mouvement, on se laisse balloter par les événements et on s'éloigne de la vie qui nous ressemble. Comment prendre les commandes de notre vie et ne plus en être uniquement le spectateur? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Bonjour Stéphane. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Première question pour démarrer ce sujet, comment savoir si la vie que nous souhaitons est la bonne pour nous? Un changement de vie est une question de choix personnel ou collectif lorsque nous sommes en couple ou en famille, conditionné par un contexte et une qualité de réflexion que vous allez mener à l'instant T. La question à se poser est sur quel élément vous vous reposez pour mener votre réflexion et prendre une bonne décision. La réponse est très simple. La réflexion s'appuie sur vos valeurs profondes, vos priorités et vos besoins du moment. Je dis du moment car les besoins changent avec le temps. À 25 ans, les besoins ne sont pas les mêmes qu'à 60. Après, où la réflexion se complique est lorsqu'elle est collective. Dans ce cas, il faut tenir compte des valeurs, des priorités de chacun et des valeurs du groupe, des besoins de chacun et des besoins du groupe. Par exemple, en couple, les valeurs et les besoins de chacun sont interrogés, ainsi que les valeurs et les besoins du couple, car ils sont différents. Hein. Et pareil, en famille, dans le cas d'un changement radical de style de vie, comme passer d'une existence citadine à un mode de vie à la campagne, chacun et le collectif dans son ensemble sont questionnés quant à ses valeurs, ses priorités et ses besoins. Et vouloir atteindre cette vie tant souhaitée, est-ce une utopie ou est-ce faisable, Stéphane? Le changement dans une vie, au fil des années et des cycles, est inévitable. Cela étant, il y a deux cas de figure en termes de changement et de conduite de vie, et je dirais en termes de qualité de vie. Soit il est imposé et parfois et très souvent subi, soit il est réfléchi, anticipé, choisi et donc non subi. L'idée de sortir de la trame de la personne qui, toute sa vie, rêve d'une existence idyllique calquée sur les scénarios de séries télé pour enfin tracer un chemin de vie en progrès, réaliste et réalisable et de se donner les moyens d'y arriver. Il peut être inspirant d'avoir des exemples sous les yeux de vie florissante, mais l'idéal est de se mettre sur une trame de vie qui vous correspond réellement et qui est en phase avec vous-même et que vous-même personnellement. Si le projet est réaliste et réalisable et que l'engagement en termes de temps et d'énergie est maximal dans un délai acceptable, l'objectif sera atteint. Il n'y a pas de raison. Merci Stéphane. Quels sont alors les obstacles qui peuvent entraver notre chemin vers cette vie souhaitée, Stéphane? Les obstacles qui entravent le cheminement vers une vie souhaitée, sans parler de la procrastination qui est monnaie courante dans le domaine, ou alors d'être mal accompagné, sont les grands incidents ou accidents de la vie, devrais-je dire, comme le déménagement imposé, la rupture affective, la perte d'un emploi, la maladie, l'accident grave ou une grande crise comme une crise sanitaire ou un conflit armé. Cela étant, et lorsque nous regardons la vie avec optimisme et positive attitude, certains ont profité d'un incident de ce type pour rebondir radicalement et faire de cet accident une occasion, voire même une force pour tout changer et repartir sur des bases différentes et solides vers une nouvelle vie plus riche. C'est les propos tenus, par exemple, d'accidentés de la route, par exemple, désormais personnes handicapées qui se créent une vie nouvelle autour et grâce à un handicap. Question pratique maintenant, quel plan d'action mettre en place pour atteindre cet objectif? Souvent, le choc du changement imposé aide à comprendre la situation et l'urgence à prendre une décision pour aller vers un autre choix. Sans ce choc salutaire, l'impulsion peut venir d'ailleurs, une lecture, une rencontre, une discussion ou une simple prise de conscience qui inviterait au changement. Ensuite, il s'agit de rêver un peu et de s'imaginer ailleurs, dans une autre situation et de mener une réflexion profonde basée sur ses valeurs, ses priorités, ses besoins profonds. Après analyse minutieuse de la faisabilité, il est bon de décider du changement, une décision ferme et définitive. Bien entendu, une fois que l'idée est adoptée, il faut se donner un ou des objectifs et passer à l'action et travailler sur le projet avec la méthode des petits pas. Il faut bien sûr croire en ce projet et en vos capacités pour réussir et s'engager à 100% dans l'aventure avec détermination. Aide-toi, le ciel t'aidera. Certainement, oui, c'est ça. Merci. C'est un peu donc une quête perpétuelle qu'on mène toute la vie, mais comment je sais quand j'ai atteint ma vie souhaitée ? Tout projet se repose sur un objectif principal et peut-être des objectifs intermédiaires qui seront atteignables dans un temps que vous aurez décidé lors de leur définition. Les objectifs sont également mesurables selon des critères que vous aurez aussi définis en amont. L'objectif principal est atteint lorsque tous les objectifs intermédiaires sont validés et lorsque la mesure de l'objectif principal est satisfaisante. Par exemple, vous souhaitez créer un atelier de céramique et en vivre. L'objectif est atteint si après 3 ans d'exercice, par exemple, votre atelier génère un chiffre d'affaires suffisant pour être rentable et vous permettre d'en vivre correctement. Pas toujours facile à mettre en place, Stéphane, n'est-ce pas ? Donc, si vous ne parvenez pas à identifier vos envies réelles, à faire des choix et à passer à l'action, n'hésitez pas à avoir recours à un coach comme Stéphane, par exemple, qui propose du coaching personnalisé, que ce soit en face à face, si vous habitez sa région, par téléphone, en visio. Toutes les informations pour le rejoindre dans le descriptif de cette vidéo. Vous proposez ce genre de solution pour un petit peu éclaircir les envies de chacun, c'est ça ? Bien sûr, quel que soit l'âge, on a des fois des jeunes qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter, ou même des gens qui sont un peu plus avancés en âge, 45, 50, qui sont à un carrefour et qui sont un peu perdus, ont besoin de mener ce type de réflexion. Et la question, c'est par où je commence, qu'est-ce que je fais ? Donc là, oui, c'est très pertinent, oui. Voilà, il y a un petit coup de pouce, c'est toujours le bienvenu. Donc, n'hésitez pas à venir partager avec Stéphane vos difficultés et vous trouverez ensemble des petites solutions pour aller de l'avant. Stéphane, un grand merci. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site internet stéphane-maçon.fr et que l'on peut également vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, votre compte stéphane.maçon.coach. C'est bien cela ? C'est ça, c'est ça. Un grand merci Stéphane. Avec plaisir. Et à bientôt pour un prochain sujet. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.